Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qui a vomi dans l'escalier? Quand j'ai descendu les marches, j'ai failli glisser. Mais qui a été chier dans mes WC? Y'en a plein sur les murs, maintenant je vais devoir nettoyer. Oh, mais qui a pissé sur ma télé? Y'a eu un court-circuit, maintenant je sais même plus l'allumer. Mais qui a foutu le lapin dans la machine à laver? Maintenant qu'il est trempé, il va falloir l'essorer. J'inviterai plus mes potes, c'est tous des dégueulasses. À chaque fois qu'ils viennent chez moi, après c'est la crasse. J'inviterai plus mes amis, c'est tous des paraquis. Quand ils viennent chez moi, à chaque fois c'est l'anarchie. Je suis certain que c'est Pelli qui a dégueulé, et que c'est France qui a eu une diarrhée. C'est encore Cédric qui a pissé sur ma télé, et c'est moi qui ai mis la pain dans la machine à laver. Avec mes copains, c'est toujours la beuverie. On boit de la bière comme des gros porcs toute la nuit. Le lendemain matin, quand on a des saoulés, on ne se souvient même plus de tout ce qu'on a fait. J'inviterai plus mes potes, c'est tous des dégueulasses. À chaque fois qu'ils viennent chez moi, après c'est la crasse.